Métier de nuit, de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Premier épisode. Il est des histoires qui commencent un beau jour et jamais ne s'achèvent. Elles en sont tout bonnement incapables. Parce que leur commencement engendre des dizaines d'autres histoires indépendantes qui ont chacune leur prolongement. C'est comme le choc d'un gravier contre le pare-brise d'une voiture. Au point d'impact se dessine une multitude de lézardes et à chaque ornière rencontrée sur la route, l'une ou l'autre progresse et s'allonge. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Dans le ciel d'hiver, la Voie lactée se morfondait, privée de l'attention des hommes. Il régnait en cette nuit un silence surprenant. Pas un chien n'aboyait, comme si le ciel chargé d'étoiles qui pesait sur la terre les eût tous écrasés de sommeil. Seule Irina ne parvenait pas à dormir, tourmentée par la douleur qui lui tenaillait la poitrine. Elle se leva, comme à l'accoutumée, pile à 5 heures du matin, fit chauffer de l'eau dans la bouilloire, puis délaya du lait maternisé en poudre « Mon bébé » dans un bocal d'un litre. Du plafond émanait une douce odeur de linge d'enfant, couche et layette qu'elle avait étendue la veille au soir. Irina appela sa mère, encore endormie, pour la prévenir de son départ, et se hâta de gagner la route pour ne pas rater la première navette en direction de Kiev. Dans une heure, la navette la débarquerait à côté de la station de métro Yitomirskaya. Elle n'aurait plus qu'à prendre la première rame en partance pour achever son trajet jusqu'au lieu où elle était attendue et rémunérée. Kiev, par une nuit d'hiver. Là, ça se passait à Kiev. Une nuit, au coin de la rue Streletskaya et du boulevard de Yaroslav, à quelques pas du café au Bon Rayon. Ivanovitch Zarvadzin, pharmacien et mycologue distingué, vêtu d'un long imperméable et d'un chapeau, marchait sans se presser. Au même moment, une jeune femme d'une trentaine d'années se hâtait vers l'angle du boulevard d'un pas nerveux. Un homme à l'allure jeune et au physique robuste, portant anorak bleu, jean et basket marron, traversa la rue Streletskaya. Son regard fixait la rue avec l'indifférence d'une caméra web. Dans sa main brillait un couteau. Quand la femme déboucha devant le café, le pharmacien s'immobilisa. La femme, alertée par l'éclat de la lame, s'arrêta à 2 pas de lui et étouffa un cri. L'inconnu à l'anorak bondit en avant. Paralysée, le dos plaqué au mur, la femme n'eut même pas le temps de comprendre ce qui s'était passé. Déjà, l'homme à l'anorak l'empoignait par la main et l'entraînait derrière lui. Tournant la tête, elle aperçut seulement un corps étendu, inerte, sur le trottoir enneigé. L'homme, cependant, courait, tirant la femme derrière lui. Il serrait solidement sa main dans la sienne, regardant sans cesse en arrière et la pressant du regard, tandis que ses yeux, à elle, reflétaient comme figés, gelés, un immense étonnement. Aéroport de Borispol, le matin. Chamil reniflait les valises et les sacs depuis 4 heures du matin. Au début, ses yeux brûlaient de zèle et d'excitation, mais après 3 heures de travail, l'excitation était retombée. Ce matin-là, comme par un fait exprès, les passagers aériens se révélaient étonnamment respectueux de la loi. Aucune trace d'odeur de drogue dans leur bagage. Or, le chien avait grande envie de faire plaisir à son maître, qui, à voir son regard, ne semblait pas connaître le sens du mot « excitation ». Dima, en effet, bâillait bien franchement. Chamil continuait de humer les odeurs qui se dégageaient des sacs et des valises, quand soudain, une fragrance tout à fait neuve et insolite attira son attention. C'est là ? Ce curieux parfum émanait d'une petite valise de plastique noir. Celle-là. Plus loin, près du chariot électrique croulant déjà sous les malles, les deux bagagistes, Boris et Genia, lancèrent un coup d'œil en direction du chien et de son maître, figé sur place. Il a repéré quelque chose, on dirait. Merde. Avec une mallette comme ça, je suis sûr qu'on pourrait se tourner les pouces jusqu'à la fin de nos jours. Alors quoi, Dima? Tu vas encore refiler la prise à tes connards de chef? Bah et qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est pas le Klebs qui va nous balancer. Et nous, on peut aider la mallette à quitter la zone de sécurité. Et en plus, on évitera la tôle à son proprio. C'est pas une bonne action, ça? Alors, Dima. Faites comme vous voulez. Boris tira une craie de la poche de sa combinaison et dessina une marque sur la valise. T'inquiète, mon Chamil. Chamil sentit que quelque chose clochait et leva la tête vers son maître. Mais Dima n'était pas d'humeur à lui donner la moindre explication. Laisse tomber, Chamil. Région de Kiev. District de Makarov. Village de Lipovka. Le matin. Sortie en courant, Irina se hâta de gagner la route, nouant en chemin son fichu gris en angora. Elle s'attendait à voir surgir de l'ombre, tels deux jaunes d'œufs brillants, les phares du minibus. Elle resta 5 bonnes minutes, les yeux rivés à la route. Elle sentait l'anxiété monter. Elle ne pouvait se permettre d'arriver en retard. Enfin, la lueur orange de 2 phares de voiture. Irina fit un pas en avant et s'aventura sur la route, fouillant la nuit du regard. Les phares n'étaient pas comme d'habitude. Elle leva la main. Une Mazda rouge freina devant elle. Où allez-vous si tôt? À Kiev? Oui. Pas monter? Non, je préfère attendre mon bus. Allez, montez. Irina monta dans la voiture. Il y faisait bon, et elle ôta son foulard. Il vous va pas, ce fichu. Vous êtes beaucoup plus belle sans. La beauté distrait. Ah bon, qui donc? Vous, par exemple. De la route. Or, c'est dangereux. Et moi, de tout... Vous aussi, votre beauté vous distrait. Qu'est-ce que vous avez à vous moquer de moi? C'est parce que je sors d'un village que vous croyez que vous pouvez me débiter n'importe quoi? Moi aussi, je sors d'un village. À moi aussi, vous pouvez débiter n'importe quoi. Moi, j'ai une fillette de 3 mois. Je suis pas une fille comme ça. Ça va, allez, ça va. Excusez-moi. Mon bus? Laissez-moi descendre. Ah, attendez, il est en panne. Vous allez vous geler à attendre que votre engin soit réparé. Arrêtez-vous. C'est la navette que je prends tous les matins. Une fois dans le minibus, Irina repensa à l'automobiliste. Elle commença par soupirer, jugeant s'être comportée comme une idiote, puis elle sourit. Pour ce qui était du fichu, il avait raison. Il faudrait le reteindre. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10, le matin. Mais où étais-tu passée? Où étais-tu, Semyon? Où tu m'entends? Mais j'étais nulle part, pourquoi tu m'embêtes, là? Moi, je t'embête. Tu t'en vas je sais pas où, à 1h du matin. Tu reviens 3 heures plus tard. Tu t'endors là, tout habillé dans le fauteuil. Et t'étais nulle part. T'as quoi, là, d'ailleurs, sur la manche? Semyon considéra sa femme, debout devant lui en peignoir. Puis il baissa la tête et examina sa chemise. Laisse-moi tranquille. Bon, alors tu vas me répondre? La manchette droite s'ornait effectivement d'une tache, comme une trace de boue. Son anorak bleu traînait à ses pieds. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Excuse-moi, j'ai dû picoler avec quelqu'un cette nuit, voilà. Mais avec qui? En pleine nuit? Alors que même la journée, tu bois pas? Semyon haussa les épaules et ressentit sur le champ un élancement dans la clavicule gauche. Véronica sortit et ouvrit la porte d'entrée d'un geste décidé avant de la claquer violemment derrière elle. À ce moment, son voisin Igor remontait chez lui. Mais que se passe-t-il? Votre porte s'est refermée toute seule? Un courant d'air. Non mais vous pouvez y aller. Hein. Semyon va m'ouvrir. Vous êtes au courant qu'on a tué le pharmacien cette nuit, là, au coin de la rue? Un brave homme, hein. Les gens qu'il connaissait, les soignaient avec des remèdes de son invention. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas ou tu reviens? Bon, laisse-moi passer. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, oui. Borispol, rue du 9 mai, le matin. Dima décolla la tête de l'oreiller et promena un regard fatigué dans la pièce plongée dans la pénombre. Leur matou que sa femme Valia appelait Mourik et lui Mourlot ne pesait guère moins de 10 kilos, répondait aux deux noms et engloutissait tout ce qu'on lui mettait dans l'écuelle. Dima s'apprêtait à se rendormir quand on frappa à la porte d'entrée. Boris ? Kenya ? C'étaient les deux manutentionnaires du service des bagages. Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Ceux-là même qui l'avaient convaincu de ne pas remarquer la valise de plastique noir qui avait éveillé l'intérêt de Chamil. Venez dans mon garage, on sera plus tranquille. Allez, c'est par là. Nous avons apporté la mallette. Vous auriez pu vous débrouiller tout seul, hein. Non, on l'ouvrira pas sans toi. Tout doit être fait honnêtement. On l'ouvre ensemble, on partage ensemble et on oublie tout. Compris ? Non, compris. Les deux bagagistes déposèrent avec précaution la mallette sur le sol de béton. Pas une paire de tenailles, hein ? À la poignée se balançait encore l'étiquette réglementaire portant le code de l'aéroport de destination, Vienne. Voilà. C'est quand même dommage de la péter. Il faut ce qu'il faut. Dès que Dima souleva le couvercle de la mallette, une odeur douceâtre et vaguement familière lui frappa les narines. Serrées les unes contre les autres, se trouvaient des boîtes toutes identiques, de la taille d'un paquet de cigarettes. Qu'est-ce que c'est ? Dima l'ouvrit. Du bout des doigts, il en tira avec précaution une ampoule de verre brisé. Des ampoules ? Il la posa à ses pieds pour extraire aussitôt de la boîte une autre ampoule, intacte, rempli d'un liquide un peu trouble qu'il tendit à Boris. Qu'est-ce que ça peut être ? Je sais pas, il n'y a rien écrit dessus. Aucune inscription. Des médicaments ? La moindre idée. Hein. Tu connais un toubib, toi, Dima ? Non, pas vraiment. Bah, ouvre-en une. Bah, on dirait de la valériane. On va voir ça tout de suite. Mourlot ? Dima sortit du garage. Mourlot ? Et revint une minute plus tard avec le chat dans les bras. Comme ça a l'air bon. Il le posa par terre, approcha de lui une assiette et versa le contenu de l'ampoule. Mourik Mourlot se pencha sur l'assiette, lécha la substance qui s'étalait au fond et s'affaissa brutalement sur son arrière-train pour se figer dans une pose étrange, tel un chien bien dressé auquel on aurait ordonné de rester assis. Au bout d'un instant, ses pattes avant fléchirent à leur tour, Mourik se coucha et ferma les yeux. Puis il se redressa soudain, promena autour de lui un regard hébété et se dirigea sans hâte vers la porte du garage restée entrouverte. C'est pas de la valériane, hein ? Allons. Boris et Guénia s'en allèrent en convenant d'une prochaine rencontre. Dima sortit vérifier si Mourik allait bien. Mais le corps de l'animal gisait inerte dans la neige sous la clôture. Le chat était mort. Il prit alors conscience de la menace qui pesait sur lui. Le fait est que sa femme adorait cette bête. Il dénicha dans le garage un vieux sac ayant contenu des pommes de terre, il y fourra le chat crevé et s'enfuit dans la rue d'un pas vif et nerveux. Un quart d'heure plus tard, il s'arrêtait devant les ruines noircies d'un vieux bâtiment détruit par un incendie 2 ou 3 ans plus tôt. Dans la cour, il y avait un puits. Dima jeta un coup d'œil aux alentours. Et n'ayant repéré personne dans la rue, se faufila rapidement dans l'allée de l'immeuble incendié. Il alla inspecter le puits pour découvrir qu'un monceau d'ordures y avait pris la place de l'eau et y balança le sac. Adieu, Mourlot. Kiev, centre de nutrition. Chaque matin, la poitrine gonflée, Irina filait à Kiev, où une femme en blouse blanche tirait le lait de ses seins au moyen d'une petite pompe, puis l'envoyait à la cuisine et lui servait une pleine écuelle de gruau d'avoine. Parfois, à la table d'Irina, prenaient place une ou deux autres mères comme elle. C'est pour des femmes de députés. Juste après les couches, elles prennent des comprimés spéciaux pour pas avoir de lait et garder une poitrine jeune. Et à leur nourrisson, c'est notre lait qu'elles donnent. Je sais pas quel enfant je nourris avec mon lait. On nous prélève et ensuite, on le remet à la maman ou à la nounou, tu sais, toi ? Non. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce bébé. Le voir. Savoir à quoi il ressemble. La bouillie avalée, il convenait de se promener 2 ou 3 heures dans le parc Mariinsky. Irina arrangea le châle emprunté le matin même à sa mère et s'engagea sans hâte dans une des allées. Ce châle vous va pas non plus. Irina se retourna pour se trouver face à un homme qu'elle reconnut aussitôt. Ah, c'est vous ? C'était lui qui l'avait prise à bord de sa voiture. Il est pas moi, il est à ma le mère. Jour où le minibus était parti sans elle. C'est le genre de choses qu'on porte quand on vient d'avoir des petits-enfants. Eh bien, maman porte ça, et elle a eu une petite fille. Je m'appelle Yegor. Et vous ? Irina. Vous travaillez dans le quartier ? Oui. Et vous ? Moi aussi. Au palais ? En quelque sorte, oui. Au palais. Allô, Yegor ? Ah pardon, excusez-moi. Irina remarqua alors que du col du manteau de Yegor s'échappait un fil noir, terminé par un minuscule écouteur de la dimension d'une mouche, collé tout contre le pavillon de son oreille. Elle avait déjà vu des appareils de ce genre à la télévision, utilisés par des gens habituellement chargés de la protection du président. Oui, ok, j'arrive. Vous vous promenez souvent dans ce parc ? Oui. Alors je vous retrouverai, peut-être même aujourd'hui. Je vous offrirai un bon café. Irina décida de retourner au centre de nutrition. La porte d'entrée était déjà ouverte et elle se trouva aussitôt écartée par 2 hommes qui trimbalaient un grand bidon métallique. Ils portèrent leur fardeau jusqu'au bout du couloir, ouvrirent la double porte et disparurent dans une autre galerie beaucoup plus luxueuse, au plancher recouvert d'un tapis rouge et aux murs ornés de tableaux. Irina n'eut pas le temps de bien voir, car déjà les 2 battants se refermaient. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10, midi. L'appartement était silencieux. Semyon était parti après avoir été appelé de bon matin par son employeur régulier. Il était, avec son ami Volodka, patron d'une petite mais solide société de sécurité. Son principal commanditaire, Gennady Ilitch, était député au Parlement. Véronica venait de charger le linge sale dans la machine à laver. Elle se rappela soudain la chemise de Semyon. Elle ouvrit le hublot de plastique et la tira par une manche. Elle la huma, la frotta doucement de la pulpe des doigts et peu à peu conçut la certitude qu'il s'agissait bien d'une tache de sang. Elle replaça la chemise dans la machine et appuya sur le bouton marche. Puis elle sortit prendre l'air et gagna le coin des 3 cafés. Là, une femme d'une 50aine d'années, élégamment vêtue, tenait dans une main un marteau et dans l'autre une petite couronne mortuaire. Entre la femme et le mur du café d'angle se tenait un jeune homme. Le visage de cette dernière, à la beauté sévère, exprimait l'indignation et la colère. Véronica ressentit la nécessité absolue d'aller se camper à côté de cette femme et de la soutenir, quel que fût le sujet de la dispute. C'est possible ou pas, enfin ? Mais madame, ça va pas ? Mon mari a été tué ici. Et ce grand morveux prétend m'interdire d'accrocher une couronne à un clou. Il s'agit d'une propriété privée. Mais si c'était ton père qu'on avait assassiné ici ? C'est un café, pas un cimetière. On vient ici pour boire de la bière. Je ne suis que vigile ici. Mais je mon mari, il y en a 40 des vigiles comme toi. Je vais lui en parler. Voyez avec le directeur et mettez-vous d'accord avec lui. Moi, je n'y suis pour rien. Il est où, ton directeur ? Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Ah bah, le voilà. On vous entend crier depuis le fond de la salle. Comme je l'ai dit à votre employé, mon mari s'est fait tuer ici. Et j'ai le droit d'accrocher une couronne mortuaire à sa mémoire. Je suis désolé pour votre mari, madame. Je comprends et je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Mais quand les gens viennent ici, c'est pour passer du bon temps. C'est ce que je lui ai dit. Mon mari aussi venait chez vous. Très bien. On se calme. En mémoire d'un de nos clients, je veux bien que vous laissiez votre couronne. Mais il faudrait faire un petit effort les périodes d'affluence. Les jours fériés, vous la reprendrez. Ça vous ira comme ça ? Marché conclu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour honorer ses morts ? Oui. Allons chez moi boire un café ? J'habite juste à côté. Merci. Borispol, rue du 9 mai. Le soir. Où est-ce que tu es ? Oh, et où est-ce qu'il est, ce chat ? Après la disparition de Mourik Mourlot, La vie chez Dima était devenue plus lugubre que lugubre. Toute la ville était déjà tapissée de l'avis de recherche montrant un portrait du chat. Ingrate affaire, puisque personne n'était en mesure de retrouver leur mourique et de le leur rapporter. Ou plutôt, il était bien théoriquement possible qu'on retrouvât ses restes, mais il était fort douteux qu'une telle conclusion fût de nature à réjouir Valia. De sorte que Dima attendait patiemment que le cœur de sa femme s'apaisât. Il allait comme à l'habitude à son travail, mais quand il rentrait chez lui, il déclarait aller à la recherche de Mourik et se réfugier dans son garage. C'est là que le trouvèrent Boris et Genia. Ma femme me rend fou depuis la disparition de son Mourik. Toute la baraque est en deuil, comme si on avait 5 Maccabées dans chaque pièce en attente d'être pleuré. Dans ce cas, décote-lui un autre chat. Mais oui, fais-le passer pour votre Mourik. Tous les chats se ressemblent, de toute façon. Des grilles comme ça, il y en a partout. Eh bon, t'as trouvé un toubib ? Quoi ? Quel toubib ? Mais c'est un chat que je cherche. Et tu commences à me courir avec ton chat. Trouve-nous un médecin ou un pharmacien. Bah oui, tu prends une ampoule, tu entres dans une pharmacie, tu dis que tu l'as trouvée et que tu sais pas ce que c'est, voilà. Eh ben t'as qu'à le faire toi-même. Pourquoi c'est moi qui devrais courir les pharmacies ? C'est vrai. Genia, tu t'en occupes. Ah bon ? Mais hé ! Ok, filez-moi 3 ampoules et j'irai puisque c'est comme ça. Voilà. Dima sortit 3 ampoules de la mallette en plastique. Genia les fourra dans sa poche et sortit. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il est vexé. Tu sais, je m'en fous de ce qu'elles contiennent, ces ampoules. Drogue ou bien remède contre le cancer. Le seul truc qui compte, c'est de bien les vendre. Quant à toi, Dima, trouve-toi un autre chat à peu près pareil, roule-le bien dans la boue et ramène-le chez toi. Ah, tu la connais pas, ma Valia. Tu n'auras qu'à dire qu'il est allé courir la gueuse. Elle se calmera, tu verras. Puis franchement, c'est pas d'un chat qu'elle a besoin, c'est d'un gosse. Oui, bah alors ça, c'est notre affaire. Ouais, c'est votre affaire. Mais la mallette, c'est la nôtre. Et mieux vaudrait conclure cette affaire-là au plus vite. C'était « Laitier de nuit » de Andrei Kourkov. Avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Clavry, les narrateurs. Et Robinson Stévenin, Emeline Bayard, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Clara Noël, Émeric Le Serre, Luce Mouchel, Marie Daude, Norbert Ferrer, Yvon Martin, Dominique Parent, Yann Tassin, Mohamed Gelati, Xavier Xapla, Aurélie Vérion, Frédéric Contogom, Mathias Simon, Séguir Mohamedi, Ariane Blaise, Damien Le Délésir, Farid Bouznade, Christine Braconnier, Pierre Carbonnier, Sylvain Gauthier, Garance Le Bars, Bertrand de Rofignac, Christina Crévillère, et les voix de Jean Ocotrel et Pauline Moulet. Musique originale, Damien Salençon. Violon, Claire Bussel. Accordéon, Jean-Pierre Ménager. Contrebasse, Emmanuel Camus. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Pascal Deux. Laitier de nuit, de Andrei Kourkov, traduction Paul Lequen, est publié aux éditions Liana Lévy. Chaleureux remerciements à Félix Blum et Patrick Pitavino.